Il cherche un laboratoire, donc il cherche personne asiatique, a été écrit. Moins de 35 ans, donc c'est notre âge. Juste asiatique. Oui, non, il y a un peu de tout, dont asiatique. Bon. À mon avis, ou pour essayer cosmétique, cosmétique ou essayer médicaments. Ah, bon, bah, c'est que ça marche, il y a plein d'étudiants des fois qui se font payer comme ça dans les télés. Épiderme. On m'en fout. Allô. Bonjour. Allô, bonjour madame, t'appelles pour l'annonce. Oui. Vous avez passé l'annonce pour votre société des hommes de 18 à 45 ans. Oui. Asiatique. Oui. Voilà. Donc, en fait, moi, je vais prendre vos coordonnées que je vais transmettre aux opérateurs. D'accord, alors vous dites sans contraception. Je ne prends pas de contraception dans la pub. C'est pour les femmes. Ouais, mais vous dites hommes et femmes sans contraception. On ne prend pas. Non, pas contraception, comme il est une femme. Au boune, mais pas contraception. Non. Vous êtes combien sur on la est deux, ligne hein. Deux. On est deux. D'accord, non. C'est-à-dire, quand c'est quoi les tests? Bah, en fait, c'est des tests médicaments ou cosmétiques, en fait. Ça fait mal? Ah non, pas du tout. Ah bon? Moi, j'aime pas les piqûres. Hein. Non, ben, ça dépend. Hein. T'aimes pas les poires? Les poires? Dès qu'elle met 2 litres de l'eau dans les fesses, ça tout tombe. Pas les poires. Pour faire tomber la caca. Y'a pas les poires à Boboune, les trucs. Y'a pas, ça n'aime pas les poires. Ça, je déteste. Voilà, alors comment qu'on fait? En fait, je prends vos coordonnées et je transmets aux opérateurs qui vous rappellent au maximum dans 4 semaines. Mais c'est. À 4 semaines! C'est beaucoup rassemblé au profit. Ça fait long. T'as fait beaucoup 4 semaines. Non, mais c'est au maximum. Maximum en combien? 4 semaines. 4 semaines! Bah, ça fait très long. Ça fait incroyable. 4 fois 7, 29, 32. Moins 5. Non, mais c'est une blague ou quoi? Un chargement de tâtons, c'est énorme. Incroyable. Alors, donc, je vous donne les coordonnées. Oui, je vais prendre votre nom. Monsieur Tang. Tang Li Wun. Tang. Li Wun Chou. Attendez, vous parlez ensemble. Moi, je comprends rien du tout. Hein. Alors, c'est Tang Li. Wong alors, Chang. Chang, comment tu te prononces? Chang Li Wong Kawa. Comme Chang Li Wong. Oui. Wai. Chang Li Wong Wai. D'accord. Voilà. Ah, votre prénom? C'est Chang Li. Chang Li, prénom? Chang Li, c'est Chang Paul. Voilà. Nom, famille Wong Kawai. D'accord. Votre âge? Ah, moi, j'en ai 26. Moi, j'en ai 29. Voilà. Bien moi, je prends pour qu'une seule personne. Hein, bah, 26 alors, c'est moi qui prends. Votre pays d'origine. C'est moi qui prends. C'est un arme! Votre pays d'origine. Vietnam. Quand nous très contents, nous parler fort. Votre date de naissance. Alors. Oui, votre date. Alors vous dites parler en quoi? Calendrier chinois. Calendrier français. Parce qu'en calendrier chinois, je suis né en Lyon. Oui, mais. En Lyon, le 12 Lyon, attendant Terpent. Oui, mais votre date de naissance en français. Ah d'accord. 12 septembre. 12 septembre 78. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes assis sur quelque chose, madame? Vous êtes assis, fait mal? Faites attention, madame, parce que si vous voulez, nous faisons préparation aux plantes pour réduire les problèmes de circulation sanguine. Exactement. Vous venez au restaurant, très bon pour la ligne aussi. Vous connaissez la culture asiatique, pays de l'oncle Chang? T'as la culture, enfin, pas n'importe quel pays, puisque oui, la culture du Vietnam. Oui, mais là, excusez-moi, j'ai beaucoup d'appels. Donc, bah, quand ça aura fini, vous viendrez au restaurant, une fois que vous aurez fini le travail. Oui, oui. Vous êtes invité, ça fait plaisir. D'accord. C'est pour nous qui régale. Votre numéro de téléphone 01 40 27. Non, c'est 42 d'abord. 42 d'abord. Attends, 42, 31, 18 et 12, 28 à la fin. Et 27. Mais vous me donnez plusieurs numéros. C'est pas vrai, c'est pas qui vrai. Qui t'a dit non mais on donne le même numéro, te note pas. Non. 01 01 42. Oui. 18. Oui. 14. 27. Oui. 27. Moins 7 à la 12. Fin. Oh, arrêtez, 27. Mais moins 7. Vous dites arrêtez. Mais le numéro alors, 01 42 18 14. 12. Moins 15. 7, ça fait 15, donc 27 8, à la fin, 1, plus 1, 4, pour la France. Moi, je mets 27. Hein. Ouais, t'avais raison, c'est bien aussi, 27, vous avez raison. 27, oui. 27 oui, correspond à Boboune, saveur vapeur. Exactement, très bon. Régale pour les papilles. Très bon dans le menu, je vous note, vous prenez un 27 ce soir. Très bon, toi, madame. En entrée, qu'est-ce qu'on veut très bon, toi, madame, bon temps, mademoiselle, très bien. Vous nous avez connus comment? Ah, début, petite annonce. Sur quel journal? Sur Tâton Magazine, le magazine des tâtons. C'est dans le journal, on nous l'a... Dans propositions diverses. D'accord, vous êtes affilié à la Sécurité sociale? Tout à fait, madame. Mais la Sécurité sociale de notre pays, la Sécurité sociale de Vietnam! D'accord, vous êtes intéressé par les études médicaments... Tout à fait, tant qu'il n'y a pas de piqûre. Non, ça te tue pas. Et de poire à lavement pour les boules. Non, ça t'intéresse pas bon. Même pas ça. D'accord, vous êtes asthmatique? Non, on est à Paris, madame. Non, on est à Paris, madame. Asthmatique, c'est pas là. Asthmatique. Non, à Paris. T'es sûr de voir à Paris? Avez-vous de l'asthme? De l'asthme? Ah non, on a du chaton, on a du bœuf, on a du piquinois, on a des bonbons, on a des vapeurs, on a pas d'asthme. D'accord, vous fumez? Oh, ça met le tâton fumé, t'es pas tellement. T'es bon, non? T'es comme ça soit bien cuit. Fumez avec du saumon. Sinon? Non, mais madame, pas bon. Pas dans le restaurant, ça fait fumer. Je transmets vos coordonnées aux opérateurs qui vous rappelleront au maximum dans 4 semaines. 4 semaines? 4 semaines? C'était énorme. Ah, mais peut-être que dans 4 semaines, on sera au Vietnam. Oui. Mais vous ne vendez pas compte, madame. Vous pouvez... D'accord, bah, c'est noté. Dans combien de temps on aura des nouvelles? D'accord. 4 semaines. 4 semaines. Oui, à chaque fois, je vais dire 4 semaines. 4 semaines. Bon, ben, je dois raccrocher, excusez-moi. D'accord. Monsieur, bon, bah, à bientôt, alors, au revoir, comme on dit chez nous. Pompacu. Pompacu, oui. À tous. Ça veut dire oui, au revoir. Okay. On va à Pompacu, mademoiselle. Pompacu, madame. Pompacu à tous. Pompacu, madame. Bientôt, madame.